Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, pour deux rééditions. Les Châteaux de la Subversion, chez Gallimard dans la collection Tell, et Vagite propre, Lâchez tout et autres textes, aux éditions du Cendre. Comment savoir démêler le bruit du temps, des rumeurs de notre mémoire? Ça signifie quoi, Annie Lebrun, de retrouver, des années plus tard, des textes déjà publiés, qu'on réédite, qu'on redonne à lire, comme s'ils existaient pour la première fois? C'est un peu gênant. De toute façon, dès qu'un livre a été écrit, moi, c'est pas particulier à moi, mais je crois que ça arrive à pas mal de gens qui écrivent. Il y a une sorte de blanc qui se fait. Même je ne sais plus du tout de quoi. Enfin, je sais de quoi il s'agit, mais les phrases, je n'en retiens aucune à peu près. Et alors quand on les réédite, c'est curieux, c'est-à-dire que bon, on les réédite parce qu'ils manquent, parce qu'on les a demandés, ils ont été épuisés. Donc ça m'est désagréable quand on me dit qu'on a cherché tel livre et qu'il n'y en a pas. Bon. Mais après, quand c'est réédité, alors ça m'est un peu, même si je suis très contente, mais dans le fond, ça m'est un peu égal, vous voyez. Et vous retrouvez des phrases que vous aviez totalement oubliées, d'autres que vous découvrez avec surprise? Ben, je ne regarde pas. Alors, bon, en feuilletant, forcément, on tombe sur une phrase, mais bon, oui, c'est étonnant, je sais plus. Une phrase comme, par exemple, cette décision que vous prenez à 16 ans, que votre vie ne serait pas ce qu'on voulait qu'elle fût. Et ça, c'est ce que vous dites à la première ligne de Lâcher tout, oui. Un livre qui paraît en 1977, hein, oui, ça fait déjà pas mal de temps, oui. Aux éditions du Sagittaire, oui. Qui a été réédité une première fois dans une version augmentée, en 1990, sous le titre de Vagite propre, chez Jean-Jacques Pauvert, et qui, une nouvelle fois, est réédité aux éditions du Cendre. Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose dans ce texte, non? Peut-être, oui. Pourtant, je suis étonnée à chaque fois, parce que, bon, il faut dire de quoi il s'agit. C'était donc dans les années 70, quand il y a eu cette montée en France... Cette mode, pourrait-on dire, du néo-féminisme, j'ai commencé à lire ce qui se produisait sous cette étiquette et j'étais consternée par le niveau, la faiblesse des arguments et tout ce que on aurait pu espérer, justement d'un sursaut de réflexion du côté des femmes qui accédaient alors quand même à une liberté nouvelle avec la diffusion de la pilule, eh bien tout cela manquait désespérément. Et c'est à la fois de tristesse, de rage que j'avais écrit ce livre assez violent qui s'appelait Lâcher tout et qui était quand même très, très lié à l'actualité puisque j'avais pris les livres qu'il y avait sous la main pour essayer de dire pourquoi j'étais tellement déçue. Mmh. Le néo-féminisme, pour vous, c'était un avatar de la marchandisation du monde qui courait, voilà, c'est-à-dire que, à grands pas. Voilà, c'est ça. Au fur et à mesure, par exemple, quand cette maison d'édition là, du Cendre m'a proposé de rééditer le livre, j'étais très très étonnée. Et quand même, il m'a semblé nécessaire de faire une nouvelle préface. Et quand même, j'ai réfléchi sur tout ce qui se passait. Et en voyant, en prenant avec la distance que permettait le temps qui me séparait du moment où ça a été écrit, il m'a semblé que là, on pouvait voir se dessiner comment, contrairement à ce qui était clamé de tous les côtés, qu'il s'agissait d'une la conquête de liberté, qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de tolérance, et que cette tolérance convenait particulièrement à l'évolution du marché et au tour que prend justement la nouvelle métamorphose, pour aller vite, du capitalisme. Mmh. D'ailleurs, en témoigne à vos yeux encore un numéro de la NRF qui est daté d'avril 2010, c'est-à-dire un mois avant la rédaction de cette nouvelle préface, un dossier intitulé « Le féminisme en 2010 », qui pour vous a valeur de concentré, parce que tout ce que vous lisez là montre qu'il y a en fait, dans ce qu'on appelle encore féminisme aujourd'hui, un total acquiescement à la technique. Oui, et c'est ça qui, justement, là, ce nouvel regard que j'ai porté sur tout ça m'a semblé vraiment confirmer qu'il s'agissait d'ouvrir de nouveaux marchés et que la diffusion de cette idéologie, parce que c'est quand même une idéologie telle que ça s'est présenté, permettait justement de justifier, d'encourager l'émergence de débouchés culturels, de la marchandisation de la culture. C'est-à-dire que la technique, c'est l'émanation d'une rationalité qu'on dit libératrice. Voilà, c'est ça. Et là, on en revient donc au cœur de toute la problématique aujourd'hui de la politique. Mmh. Ouais. Ça serait la technique contre la passion ? On peut le dire, pour le dire vite, on pourrait dire ça, oui, en l'occurrence. Mais c'est quand même, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avec les féministes d'hier et d'aujourd'hui, c'est toujours le désir qui est mis de côté. Oui, la passion surtout, oui, c'est ça. Oui, dans le fond, oui. Derrière tout ça, c'est l'imaginaire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a un désir de rationalisation, d'aplatir à peu près toutes les relations humaines, et de sorte à justement participer de cette interchangeabilité des êtres qui convient si bien au monde dans lequel nous vivons. Mmh. Donc, ce que vous déplorez, Annie Lebrun, c'est cette liquidation de l'imaginaire dont il est question aussi dans l'autre livre qui est réédité aujourd'hui, intitulé Les châteaux de la subversion. En fait, c'est deux livres en un. Oui, c'est ça. Oui. Comment vous avez organisé ce volume ? J'ai rien organisé. J'ai plutôt... Vous avez laissé faire. J'ai laissé faire, oui. C'est-à-dire, comme il s'agissait des châteaux de la subversion qui étaient consacrés au roman noir, donc cette littérature, sous-littérature qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle en Europe. Et d'un autre côté, il s'agissait de réunir, d'assembler avec soudain un bloc d'Abim Saad, qui a été le livre que j'ai écrit quelques temps après, je crois 4-5 ans après. À l'origine, c'était une préface pour les œuvres complètes de Saad. Et l'un et l'autre étant épuisés en poche, là, il m'a été proposé de les rassembler, de faire un seul volume de tel. Mmh. Et au départ, ça m'a un peu embêté. Parce que un livre est un livre. Donc, qu'est-ce que c'est de mettre ensemble ? Qu'est-ce que c'est que... Oui, mais vous-même, vous aviez montré le mauvais exemple en faisant une préface qui était un livre. Oui, c'est ça, exactement. Mais oui, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Et en réfléchissant, parce que c'était aussi C'est une belle collection, telle, ça me plaît, puisque quand même, j'ai lu beaucoup de livres qui ont été publiés là. J'ai eu accès à beaucoup de livres comme ça, par cette collection-là. Donc j'étais contente d'un côté. Et puis en réfléchissant, je me suis dit que dans le fond, c'est pas si mal. Parce que si j'en suis arrivée à passer beaucoup de temps à réfléchir autour de Sade, c'est bien parce que je suis parvenue à Sade, j'ai accédé au monde de Sade par les châteaux de la subversion, par les châteaux du roman noir. Voilà. Donc, donc, comme ça avait une sorte de sens profond, alors oui, là, j'ai accepté, puis à la réflexion, je suis contente. Alors, c'était déjà une surprise que vous consacriez un essai au roman noir, Annie Lebrun. Bon, là, on est en 1982, je crois que c'est Jean-Jacques Pouvert qui publie le livre pour la première fois. Parce qu'on sait que, vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, que vous ne croyez pas à l'histoire littéraire. Non. Mais enfin, du moins telle qu'elle a été, qu'on nous l'a apprise. Avec une continuité, une chronologie. Voilà, c'est ça, oui. Et justement, c'est peut-être parce que je ne crois pas à l'histoire littéraire que justement mon attention a été attirée par ces livres étranges que les histoires jusqu'aux dernières années. Maintenant, c'est peut-être un peu différent, mais ces livres que l'histoire littéraire ne mentionnait pas et dont j'avais eu la première. Dont j'ai eu écho la première fois en lisant donc le manifeste du surréaliste de Breton, où Breton fait mention, justement dans une fameuse diatribe contre le roman, fait une exception pour ses romans noirs, ses romans de terreur et de fantastique, où, dit-il, en particulier, il mentionne Le Moine de Lewis, qui est un roman qui est paru en 1795, dont l'héroïne est un être de passion, et même, dit-il, c'est de façon beaucoup plus intéressante, il dit ce personnage est une tentation à l'état pur, avec la réflexion, et si un personnage n'est pas une tentation, qu'est-il ? Alors, lisant ça toute jeune, je me suis complètement fascinée. Qu'est-ce que c'est que ces livres où les personnages sont des tentations à l'état pur ? Et là, je n'ai eu de cesse que d'essayer de les trouver. Ça a été très difficile parce que j'ai atterri à la Bibliothèque nationale parce qu'évidemment, ces livres non seulement n'avaient pas été réédités, mais on ne pouvait les trouver que dans des collections anciennes parce que, en plus, comme ils s'étaient considérés comme une sorte de sous-littérature, beaucoup avaient été détruits et il n'en restait que. Enfin, il en restait peu, enfin, peu accessible. Voilà. Alors, ce qui vous intéresse, c'est la sensibilité, ce sont les mouvances, comme vous le dites, oui. De la sensibilité, beaucoup plus que l'histoire de la littérature, et, ou que toutes les théories littéraires. Oui, c'était justement essayer de... Parce que c'est quand même... même si j'ai dit ça ailleurs, mais bon, puisque je suis là, je vais le répéter. À nouveau, maintenant, on commence à regarder un peu différemment, mais l'image qu'on a du XVIIIe siècle au siècle des Lumières est quand même contredite, justement, par l'émergence de cette chose, de ce phénomène non maîtrisé, non contrôlé, qui est un engouement pour des livres qui sont écrits comme ça, par des gens qui ne sont pas forcément des littérateurs, et qui, à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, arrivent les uns et les autres à, en se recoupant, si on peut dire, à mettre en place un décor en complète discordance avec le paysage intellectuel esthétique des Lumières, qui, ce décor, va être le décor du romantisme. Alors, c'est toujours, effectivement, la même configuration. Il s'agit d'une forêt, d'un château dans une forêt, d'un château impénétrable. Donc c'est une façon d'aborder la nuit, donc que les Lumières évidemment refusaient. C'est une façon aussi d'aborder la nature, tout ce que, donc non seulement le XVIIIe siècle, mais toute la façon de penser la nature avait refusé, puisqu'il s'agissait de la maîtriser, et dont l'exemple le plus évident est à travers le jardin à la française. Tout d'un coup, avec le roman noir, c'est la découverte de la grande nature, c'est-à-dire les forêts, les précipices, les orages, les montagnes, tout ce qu'on avait rejeté aux confins de la représentation qu'on avait du monde, et dans le même temps aussi à l'intérieur de ce décor échevelé, qui, oui, quand même c'est échevelé, eh bien apparaissent des êtres, alors qu'ils sont à la fois des êtres errants, puisqu'il s'agit de l'histoire est à peu près toujours la même. C'est une jeune fille pure que les malheurs de la vie jettent sur les routes et qui va errer juste dans cette nuit-là et qui croit trouver un refuge et puis qui, dans le fond, va dans ces châteaux qui fait corps d'ailleurs avec la forêt, va tomber dans les griffes d'un personnage qui a des désirs qui sont pas très avouables. Et bon, et en général, tout est toujours bien qui finit bien dans ces romans noirs proprement dit. Il y a un coup de théâtre et on revient dans un monde où tout est à sa place. Et donc c'est quand même très très étrange, il m'a semblé que dans l'Europe entière, alors effectivement avec des variantes suivant les pays, donc et aussi suivant les traditions, puisque en même temps c'est aussi lié au renouveau pour le style gothique, la découverte à la fois de l'architecture gothique, à la fois aussi de tout ce qui est la littérature des chevaliers, etc. Donc c'est très intéressant de voir que toute l'Europe est hanté par justement ce château imaginaire. C'est le point de vue surréaliste. Le roman noir, c'est la question des châteaux. Ça a été, oui, on a appelé ça comme ça. Oui. Et oui, c'est quand même au moment où justement l'individualité se repense différemment à partir disparition de la représentation chrétienne du monde, enfin au moins son effacement, et avec la montée de l'incroyance, il est intéressant que l'imaginaire européen construise un lieu vide à l'intérieur duquel l'individualité, sous ses formes les plus incontrôlables, va se réfugier, ouais. Et qui est le château. Donc, voilà des héros incertains, oui. Qui découvrent que le cœur de la forêt, oui. dont vous parliez, oui. est vide. Oui. Et que leur voyage va au-devant de l'artifice. Oui. Du leurre. Oui. Et que la nature n'est qu'un leurre. Un décor. Elle a statut de décor là, mais tout a statut de décor puisqu'on est quand même dans un monde imaginaire. Mais la nature n'est pas un leurre là parce que il s'agit aussi de trouver. Il me semble aussi que le château étant ce lieu vide, mais qui en même temps est le cœur de la nature, montre que il s'agit d'une construction qui peut-être ne résiste pas à la nature, mais qui doit être en mesure de pouvoir l'affronter, de permettre de l'affronter. Et c'est intéressant de voir comment justement il y a continuellement l'impression de cette lutte entre la violence naturelle et la violence qu'il y a au cœur de l'homme. Voilà, c'est ça. Et bon, c'est quand même aussi, c'est quand il y a l'émergence de la ruine. Alors, bon, la ruine, effectivement, c'est les constructions humaines qui sont attaquées, mais la ruine demeure. C'est le monument de ce temps-là. Oui, la ruine est le monument de ce temps-là. Mais aussi, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'à partir de ce monument de ce temps-là, va se reconstruire tout un espace imaginaire, justement, qui fait le lien entre la violence intérieure et la violence naturelle. Mmh. Est-ce que le roman noir traduit, finalement, c'est une crise de la représentation ? Oui, de façon évidente, oui. Hein ? Et que, dont on n'est pas vraiment sorti. Absence de centre, oui, effondrement. Oui, oui, oui. Et le centre est l'absence de centre. Voilà, je m'excuse, mais c'est comme ça. Et le roman noir met en scène ce bouleversement. Oui. Est-ce qu'il y a moi qui m'a fascinée, hein, qui c'est quand même de façon complètement spontanée, plurielle, que tout se passant comme si l'imagination, au moment où toutes les forces de réflexion ne peuvent pas penser ça, l'imagination propose justement un décor, donc des formes imaginaires, mais des formes à travers lesquelles on va pouvoir essayer d'affronter ce qui fait peur, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser, etc. Et en particulier le désir. Et ça n'est pas pour rien que, Sade va, d'instinct, dirais-je, choisir ce décor-là comme le lieu de ses fictions. On va parler de Sade, mais vous qui avez lu tous les romans noirs à la Bibliothèque nationale, Annie Feprin. Pas tous, mais ceux qui y étaient, oui. Vous avez des préférences, et il y en a une qui me semble particulièrement sensible, c'est Melmotte. Oui, alors ça, c'est un des derniers. Le vrai. Le vrai, oui. Parce que Balzac en a écrit un aussi. Oui, Melmotte réconcilié. Et ça, c'est quand même aussi très intéressant, parce que il faut dire que contrairement justement à ce que représentaient les histoires littéraires officielles, tous les auteurs du XIXe siècle, dans leur jeunesse, ont été nourris de romans noirs. Et qu'il s'agisse de Balzac, qu'il s'agisse de Victor Hugo, qu'il s'agisse de... Tous ont lu ça, puisque c'était ça qu'on avait d'abord sous la main. Et Balzac en a écrit pas mal, mais sous pseudonyme. Oui, sous pseudonyme, je crois à peu près 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et à un moment, donc, il écrit Melmotte réconcilié, qui marque, à mon avis, une rupture, parce que, justement, contrairement à ce gigantesque roman et cette sorte d'épopée du noir des ténèbres qui est le livre de Mathurin, Melmotte, donc qui paraît en 1820, Balzac, lui, va imaginer que ce personnage, en quelque sorte satanique, qui est Melmotte, qui traverse les siècles dans le livre de Mathurin, justement hanté et tourmenté par les forces obscures qui le hantent, le Melmotte de Balzac va revenir, ramener à la vie normale, à la vie rationnelle, contrôlée. Voilà. Vous citiez Sade, Annie Lebrun. Bon, même tentative chez lui pour penser l'impensable et pour arriver à la même découverte qui renvoie dos à dos religion et idéologie. Oui. Il est présent dans Les Châteaux de la Subversion, bien sûr, alors qu'on a voulu l'exclure de l'univers noir. Mais, dites-vous, le génie de Sade, c'est justement d'avoir pris possession de ce château qui fascine les uns et les autres, mais que personne n'a l'audace de reconnaître pour sien. Oui. Et ce château, c'est celui des 120 journées. Oui, oui. Alors que justement, comme tous les livres du roman noir sont, ce qu'on pourrait dire, dans des termes psychanalytiques, une formation de compromis, c'est-à-dire où il y a toujours ce rétablissement à la fin qui fait que la morale est sauve et tout revient à sa place, tout se passe comme si Sade, lui, commençait quand justement ne va pas avoir lieu le dénouement heureux. Et aussi ce qu'il y a de remarquable, c'est cette sorte d'intuition d'avoir, c'est pas seulement remarquable, mais en même temps pour moi il y a quelque chose de bouleversant, le fait que cette pensée si singulière qui est celle de Sade trouve à se loger dans une construction plurielle qui s'est faite comme ça. Et que deux, avec la force de sa pensée, de sa sensibilité, il arrive à donner à ces lieux leur véritable vie et à trouver leur véritable fin. C'est ça qui m'a fasciné. Aussi le passage de l'un à l'autre qui fait que, oui, dans le fond, c'est pas si mal d'avoir publié les deux livres ensemble. Voilà. Alors, celui que vous avez intitulé Soudain, un bloc d'abîme, Sade, il a été en fait conçu en 1985, comme l'introduction à ses œuvres complètes de Sade, publiées chez Pauvert, et qui représente 15 volumes. Et à l'occasion, vous avez tenu à rendre hommage à Jean-Jacques Pauvert, sans qui cette édition, évidemment. Pas seulement cette édition, mais enfin, il faut rendre hommage à cette sorte de courage qui a été le sien, parce que tout jeune homme, eh bien, il a, alors que les uns et les autres se réclamaient de Sade, lui débarque, rencontre Paulhan, les gens qui s'étaient intéressés à Sade, et lui demande, mais où sont ces livres ? Et il s'aperçoit que ces livres ne sont pas accessibles. Personne, juste puisque la censure empêchait de publier ses livres. Et lui, à ce moment-là, il est tout jeune éditeur, il doit avoir 26 ans à peu près, il décide de publier les livres de Sade sous son nom, à l'adresse qui était d'ailleurs son adresse personnelle, et il met en circulation ces livres-là. Bon, alors, au fur et à mesure, il va s'en suivre une série de procès, mais il n'empêche que c'est grâce à sa passion pour Sade que, eh bien, ces livres ont commencé à pouvoir être accessibles, et puis qu'on pouvait lire ce dont on parlait. Ce qui est quand même aussi que c'était pas seulement quelques privilégiés qui pouvaient avoir accès à ça, mais qu'on pouvait justement savoir de quoi il s'agissait. Alors, parmi les livres de Sade, il y en a un qui vous a retenu particulièrement, c'est Les 120 journées. Oui. Une lecture que vous n'avez pas oubliée, la première, parce que c'est une lecture qui, dites-vous, vous a rendu malade. Oui, mais je ne suis pas la seule. Hein. Mais je pense que, et Bataille, par exemple, qui est le grand lecteur de Sade qu'on sait, est un de ceux qui a le plus insisté sur le fait que c'est absolument insupportable, la lecture des 120 journées. Et en disant, d'ailleurs en remarquant que qui n'est pas affecté par ça, quand même, est un drôle de personnage, parce que je pense qu'on n'a pas été aussi loin dans l'évocation de la criminalité. C'est-à-dire que le château. Et c'est le château. Et c'est le château le plus fermé qui soit. Et là, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que justement, à la fois, donc, Sade part de ce lieu imaginaire, mais que dans le même temps, il part de la limite à laquelle tous les philosophes qui lui sont contemporains, les philosophes du XVIIIe siècle, s'arrêtent. Qu'ils soient athées Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on voit bien que des personnages comme D'Holbach, La Mettrie, à un moment, ne tirent pas les conséquences de leur athéisme. Et du coup, au moment où tous les autres essayent de moraliser, en quelque sorte, l'athéisme et de ce fait de refuser de voir quels sont jusqu'où mènent le fait de nier l'existence de Dieu, eh bien, Sade part de là. Et de la même façon, donc, le château est aussi, c'est le château qui va contenir tout ce que le siècle des Lumières ne veut pas. Et aussi, ce n'est pas pour rien qu'il annonce dans son introduction que ce qui l'intéresse là, c'est essentiellement les passions criminelles. Et les autres, non. Et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est au moment où tout l'effort philosophique, à ce moment-là, est justement de socialiser les passions, toutes les passions. Et lui, ça part de ce qui est irrécupérable. Et cette façon d'affronter, presque comme une encyclopédie, hein, les passions non socialisables, est quand même quelque chose de tout à fait stupéfiant au milieu, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Comment avez-vous fait pour entrer dans le château le plus fermé qui soit ? Bon, ça, je lui dis. Je pense aussi que j'ai été aidée parce que, contrairement à beaucoup de gens qui se sont intéressés à Sade, je ne suis pas venue à Sade de façon philosophique. Ce n'est pas du tout de façon conceptuelle. C'est les châteaux qui m'ont aidée, puisque j'étais assez familière de ce monde-là, de cette nuit-là. Eh bien, en avançant un petit peu plus dans la nuit, en allant un peu plus là où c'était le plus sombre, je suis rentrée là-dedans. Sans avoir beaucoup, sans être vraiment harnachée philosophiquement, sans essayer de savoir... à quoi ça correspondait, etc. Et bon, du coup, j'ai reçu ça aussi de plein fouet, la violence qui est dans Sade. Voilà. Deux rééditions d'essais d'Annie Lebrun, Les châteaux de la subversion chez Gallimard dans la collection Tell et L'agit-propre, Lâcher tout et autres textes aux éditions du Cendre. Du jour au lendemain, Jean-Michel Bernaud, Alexandra Malka, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.